je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. C'est volant de mille quand on manque de rien. Au chaud dans les villes, on est tellement bien. C'est bien l'an de mille quand on a du grain. Je dors aussi en ville, mais dehors c'est moins bien. Vite une ouverture, j'ai perdu mes droits. Vite une couverture, un petit chez moi. Mais c'est dingue, ce froid qui me cingle. Personne me distingue, et pour moi c'est la jungle. Mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, c'est juste un bon à rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, c'est juste un bon à rien. Hôtel Terminus, tellement étroit. Dans l'abri de bus, à l'abri d'un toit. On est de plus en plus sur les lignes d'emploi. C'est devenu un luxe, c'est la mode ou quoi? J'ai trouvé un style, je vais croire que je vais bien. Mais c'est pas facile, une bouteille à la main. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. Voyez beau l'an 2000, je voulais devenir quelqu'un. Je croyais que tout se passerait bien. Maintenant au fond de la ville, avec mes sacs et mon chien, mon avenir est incertain. Il coule le vin, j'en vois plus la fin. Il dure mon chagrin au moins jusqu'à demain. Il coule le vin, j'en vois plus la fin. Il dure mon chagrin au moins jusqu'à demain. Mais qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne deviens rien? Un clochard de plus, juste un bon à rien. Mais qu'est-ce que je vais devenir?